C'est l'heure de remonter le temps un jour dans l'histoire avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors nous sommes aujourd'hui le matin de Noël 2017. Bah oui, bon Noël à tous. Merci, bon Noël à vous aussi qui nous écoutez. Mais vous allez nous transporter dans un autre 25 décembre, oui, c'est lequel? Oui, celui de 1920, qui n'est pas un Noël très chrétien, faut bien le dire, puisque c'est celui de la naissance du Parti communiste français, le PCF. Ah. Ce 25 décembre 1920 s'ouvre en effet le congrès de Tours, qui va durer 5 jours. Alors c'est le rassemblement des socialistes français, si oui, je m'abuse. Oui, exactement, c'est le 18e congrès des socialistes, mais l'heure est plutôt à la division. Il y a d'un côté les partisans de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, l'ancêtre du PS si vous voulez, et de l'autre ceux qui veulent fonder la SFIC, c'est-à-dire la section française de l'Internationale communiste. On ne plaisante plus là. Alors les modérés d'un côté et les radicaux de l'autre, exactement, c'est ça? Exactement. Ce qui les a divisés, c'est la Première Guerre mondiale. Vous savez que dans ce contexte, les socialistes ont rejoint la fameuse Union sacrée, mais la guerre a duré et à partir de 1915, l'unité a commencé à se craqueler. Certains ont commencé à mettre en cause la légitimité de cette union. Ajoutez à cela la révolution bolchevique de 17 qui a instauré ce fameux régime communiste en Russie. On en célèbre en ce moment, on vient d'en célébrer le centenaire. Lénine a fondé l'Internationale communiste et quelques socialistes aimeraient bien rallier ce camp, tandis que les autres, qui sont minoritaires d'ailleurs, il faut le dire, je pense à Léon Blum, à Marcel Samba, eux refusent d'adhérer aux conditions du Comintern. Donc la question va être tranchée lors de ce fameux congrès de Tours. Exactement, les deux tendances s'affrontent à coups de discours et d'invectives. Or, c'est la motion communiste qui l'emporte à une large majorité. À compter de cette date, il y aura deux formations distinctes, donc cette SFIO d'un côté et le Parti communiste français de l'autre, un PCF qui bientôt va devoir faire face à l'influence de Moscou. On appellera ça la bolchevisation. Alors, c'est déjà un autre chapitre. Absolument, Franck. On vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1 pour une émission consacrée Oui, une émission de Noël consacrée aux chrétiens d'Orient. C'est entendu, à tout à l'heure. Merci Franck.